Une famille hors norme, une correspondance hors norme, lettre choisie de la famille Brontë sur France Culture. Un presbytère battu par les vents, des deuils, des maladies, des séparations et l'écriture jamais loin sous toutes ses formes. Dans la famille Brontë, demandons Charlotte, Branwell, Émilie et Anne. Leurs lettres, encore jamais publiées en France, laissent une trace inestimable sur leur courte vie. Correspondance de la famille Brontë, le feuilleton, en direct de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. Il est 17h tout pile et vous êtes bien sur France Culture. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 22 mai avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Troisième journée de grève aujourd'hui des fonctionnaires depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Un appel unitaire des syndicats, une première depuis 2010. Des syndicats qui protestent notamment contre le gel du point d'indice et la suppression annoncée de 120 000 postes d'ici à 2022. 130 à 140 manifestations dans toute la France, 16 400 manifestants dans la capitale. À Paris, 14 interpellations après des heurts en marge du cortège. Pas de plan chiffré, mais un changement de méthode pour rétablir l'égalité. Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui une série de mesures pour les quartiers défavorisés, s'inspirant en partie seulement du rapport Borloo. Emmanuel Macron demande notamment aux 120 plus grandes entreprises françaises de prendre leur part dans la lutte contre le chômage dans les quartiers défavorisés. Il a annoncé d'ailleurs qu'elles seraient soumises à des tests anti-discrimination dans les 3 ans. Autre annonce, 30 000 offres de stages de 3e pour les jeunes des quartiers. L'Assemblée nationale commence à examiner aujourd'hui le projet de loi concernant l'agriculture et l'alimentation. Projet de loi porté par Stéphane Travert. Plus de 2300 amendements ont été déposés. Beaucoup de sujets. Mieux rémunérer les agriculteurs, alimenter plus sainement les Français, la maltraitance des animaux, l'usage des produits phytosanitaires ou bien le gaspillage. Un homme grièvement blessé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui lors d'affrontements avec des gendarmes. Il a ramassé une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre. Cet homme d'une vingtaine d'années a eu la main arrachée quand cette grenade a explosé. L'inspection générale de la gendarmerie nationale a été saisie. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, attendu au Parlement européen à Bruxelles. Il devra s'expliquer sur les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Lacune illustrée dernièrement par le scandale Cambridge Analytica, ce cabinet de conseil qui a pu exploiter à leur insu les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook. L'audition de Mark Zuckerberg sera diffusée en direct tout à l'heure sur Internet. Et puis au moins 16 personnes ont été tuées, 38